vient son heure. La France t'en va aime souffrir, c'est l'heure d'ouvrir. Ouais, l'heure d'assouvir ce besoin primaire. Clair que c'est primaire pour moi naïve de dire tout haut ce que je pense tout bas dans cette vie de chien. Bien sûr, tous à fond dans la rue et vers l'or. Mais tous comme nous sommes, savons qu'aucun or ne montrera notre mort en somme. Chacun son heure. C'est pas l'habit qui fait l'imam ou le moine, car l'âme pure émane du regard de tout homme bon. J'entre plus profond de ma personne pour exploiter ce côté obscur où toutes ces idées noires s'entassent et finissent par s'incruster en effet dans la clarté. Mon phrase est pure ce soir. C'est sûr, j'ai l'inspiration meurtrière sans victime. Et je passe une ultime pensée pour toutes ces victimes dans ce monde. J'assure qu'être un lézard n'est que simplicité. Ici-bas, chacun son heure, ma sœur. Ici-bas. Chacun son heure de gloire. Ici-bas. Chacun son heure, mon cœur. Ici-bas. Chacun son heure de gloire. J'écris pour ma mère sévère avant que ses vers moi enfouis sous terre. Vers mon terre sévère, dans chlore et l'air. Sous complice de mon art, j'en sors qu'être un lézard et que simplicité sur terre. Et pour le meilleur, je crains le pire, l'enfer est sur terre. Trop de morts, de guerre, d'atrocité, ma sœur. La résistance au mic, on perd, c'est sûr, j'en fais mon affaire. Knapsack au mic, c'est que sur terre, on n'est que poussière. Et tous sont sans terre, dans des vies terre à terre. Vide brouteur, esclave d'une société asservie par le progrès. Système français obsolète, insincère, trop d'impôts, trop taxés. Perso, je suis pas là pour voter, plutôt là pour tout rappeler. Sans excès, m'engraisser, amasser. Un max de blé, elle rien de voir à personne. En somme autonome je suis, elle resterait bien dans le gré. Ici-bas, chacun son heure, ma sœur. Ici-bas, chacun son heure de gloire. Ici-bas, chacun son heure, mon cœur. Ici-bas, chacun son heure de gloire. Les meilleurs sont à venir, ouais l'avenir se dessine dans un épais brouillard. Pour l'instant, la consécration n'est qu'une question de temps. J'entreprends de devenir ce que je veux être. Un être en accord avec lui-même, les siens et les autres. J'ai que tout reste à faire mon pote. Alors dès maintenant j'entre en action dans les bacs. Nave dans l'envers du décor. On se pose, expose sa prose. Qui me cause toutes ces choses qui me posent problème. Dans cette chaîne de vie narrative, j'avance, devance mon époque. C'est des gangsters en top, façon spock au mic. La section fractionne au mic. C'est rescapé, sectionne sans hic. Dans les bacs s'incrue chez nous. Pas de sex and sun, le temps du texte and sun. C'est le vent du nord, pas la pointe du monde en éveur. La voix du nord, sache que ici-bas. Ici-bas, chacun son heure, ma sœur. Ici-bas, chacun son heure de gloire. Ici-bas, chacun son heure, mon cœur. Ici-bas, chacun son heure de gloire. Ici-bas, chacun son heure, ma sœur. Chacun son heure de gloire. Ici-bas, chacun son heure, mon cœur. Ici-bas, chacun son heure de gloire.